Donc je montais, je descendais, je ne savais pas trop où j'allais. À découvrir des salles mystérieuses. Tu vois, il y a une affiche mystérieuse juste pour indiquer la 372. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impasse, on peut toujours tourner. C'est ça, cette école. Il y a des étages trois quarts. C'est un labyrinthe obscur.